Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Forum Jeunes qui donne l'occasion aux jeunes de débattre sur tous les sujets qui les intéressent. Forum Jeunes, c'est sur la radio Isanganiro tous les lundis. À la présentation de cette émission, Ali Dandaikeza, à la réalisation, Pacifique Chubahiro et François Akimana assurent la mise en onde. La photo est une image capturée à l'aide d'un appareil. Cette image peut être imprimée sur papier, sur bâche ou être gravée sur CD, parfois gardée dans les mémoires des ordinateurs ou disques durs. La photographie, qui est une reproduction de l'image, on fait recours à elle le plus souvent dans les studios de photos. Mais de nos jours, des indépendants naissent et travaillent pour leur propre compte. À côté d'eux, il y a les amateurs qui ne manquent pas de prendre leurs photos à l'aide des appareils photo ou téléphones portables. Le domaine de la photographie est souvent composé de jeunes qui mettent un accent sur la créativité pour donner des images, parfois modifiées, en répondant aux attentes de leurs muses ou modèles. Qui sont ces photographes ? En quoi consiste exactement leur travail? Quels sont les défis rencontrés dans ce domaine? La photographie peut-elle offrir des opportunités pour les jeunes? Toutes ces questions vont avoir des réponses dans cette émission. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Pour en savoir plus, nous avons dans nos studios deux invités. Thierry Ndikuriyo, photographe indépendant pour plusieurs agences comme Buja Multi Event. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Khalid. Et Thierry Inore de l'agence Authentic Pictures. Bonjour et bienvenue. Bonsoir Khalid. Encore une fois, bienvenue à tous dans Forum Jeunes. Isanganiro. Thierry Ndikuriyo, qui êtes-vous en quelques mots et comment vous avez commencé à entrer dans le domaine de la photographie? Merci de m'accorder la parole. Et moi, je suis photographe indépendant et qui œuvre dans le domaine de l'image, puisque je ne travaille pas sur la photo seulement, je travaille aussi sur la vidéo. Mm-hmm. Et donc, je suis vidéographe et photographe en même temps, mais je me spécialise aussi dans la photographie. Mm-hmm. D'autant plus que je photographie dans différentes agences, surtout dans mannequinat. Mm-hmm. Mais aussi dans des événements. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et comment vous avez commencé à entrer dans le domaine? Bon, moi... Où est née cette idée de commencer la photographie? Moi, l'idée de me lancer dans la photographie, j'ai d'abord commencé avec la vidéo. Mm-hmm. Et au fur et à mesure que je faisais la vidéo, je suis entré à l'université où j'ai appris aussi quelques techniques de la photographie. Mm-hmm. Et par après, j'ai été intéressé par la photographie. D'autant plus que la photo inspire beaucoup plus que la vidéo. Puisque mm-hmm. même pour prendre une vidéo, on commence par le cadrage. Et le cadrage est souvent utilisé dans la photographie. Mm-hmm. Et sur ça, j'ai percé vers la photographie où je suis souvent sollicité dans des photoshoots comme on l'appelle dans ces jours. Mm-hmm. Thibaut Inore, comment vous pourrez vous définir et comment vous avez commencé le domaine de la photographie? Merci de me accorder la parole. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé la photographie il y a quelques années. J'ai commencé la photographie parce que j'ai commencé avec un designer. Mm-hmm. J'ai commencé la photographie à cause de mes idées, mm-hmm. de mes rêves. Mm-hmm. Et puis, je suis photographe Authentic Pictures. Mm-hmm. Je travaille des photoshoots mm-hmm. avec des événements. Donc, on peut dire que vous êtes autodidacte. Donc, vous vous êtes formé vous-même ou vous avez fait des études de photographie? Non. Pour les deux. Donc, vous vous êtes formé vous-même? Oui, moi-même. Mm-hmm, vous-même. Oui. Et Thierry? Bon, moi, je dirais que j'ai eu quelques notions de base à l'université dans la faculté de l'audiovisuel, mais j'ai continué à bosser moi-même pour perfectionner. Mm-hmm. Et dans votre travail de tous les jours, quels sont les défis auxquels vous faisiez face? Les défis principaux sont surtout le matériel, mm-hmm. surtout des appareils qui ne sont pas adéquats ou bien qui ne disposent pas des accessoires qui sont complets. Mm-hmm. Parce que dans la photographie, on compte surtout sur les accessoires mm-hmm. d'un appareil. Et quels sont les accessoires que vous devez avoir? Surtout l'éclairage ou les objectifs. Mm-hmm. Les objectifs qu'on fixe sur le boîtier de mm-hmm. l'appareil. Mm-hmm. Oui, c'est ça, en fait. Ce sont les principaux accessoires qu'on utilise dans la photographie. Donc, le principal, vous l'avez oublié, l'appareil photo? Bon, oui, j'ai dit. Il y a des multiples appareils photo maintenant. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. On peut me photographier à l'aide d'un téléphone ou bien des appareils photo simples. Il y en a, mais dans la photographie, pour être professionnel, il faut aussi avoir un appareil professionnel. OK. Donc, le défi est alors des appareils qui sont professionnels. OK. Puisqu'on peut avoir un appareil simple, mais à l'aide des accessoires qu'on peut fixer sur l'appareil, on peut obtenir une belle image. Donc, les moyens vous handicapent. Oui, c'est ça. Okay. Et pour vous, Thibaut? Moi aussi, c'est comme Tino, exactement. Et les appareils sont, pour moi, c'est comme, je loue l'appareil. Donc, vous n'avez pas votre propre appareil. Oui, oui. C'est comme Tino va dire. Donc, à chaque fois que vous allez faire un shooting, vous devez louer cet appareil. Oui, oui. Donc, cela va se répercuter sur la facture du modèle. Oui, oui. OK. Pour vous, la photo professionnelle, elle doit être comment? Comment vous pourrez définir prendre une photo professionnelle? Pour moi, je peux définir comme photo professionnelle, c'est une photo qui est très belle. C'est une photo et vous aussi que tu vois, c'est une photo professionnelle. Oui. Donc la qualité, l'image, et tu vois. Et pour vous, Thierry, une photo professionnelle, qui va vraiment accrocher, elle sera comment? Une photo professionnelle, c'est une photo qui a d'abord la netteté. C'est-à-dire, quand on regarde la photo, on voit que la photo est vraiment nette. Oui, c'est ça, en fait, qu'on compte dans l'image. Il faut veiller à ce que l'image soit nette. Et malgré, même s'il y a différents artistes qui peuvent créer une image selon leur vision, mais ça, l'objectif principal d'une... Bon, je dirais... Le critère principal, c'est qu'une photo soit nette quand on photographie. D'autres critères que l'on pourrait considérer? Il y a aussi le cadrage. On voit si la photo est bien cadrée, si le personnage qu'on a photographié est bien disposé, si elle n'est pas centrée. En fait, c'est ça qu'on considère. On considère d'abord le cadrage, on considère la netteté, on considère l'éclairage aussi de la photo. J'ai consulté vos pages Facebook à vous deux. Par exemple, Buja Event, j'ai regardé. Authentic Pictures, j'ai regardé, j'ai vu des photos professionnelles. Mais la majorité de vos photos sont plus orientées vers le mannequinat. C'est le domaine dans lequel vous aimez travailler ou des fois vous diversifiez, Thierry? Diversifions, mais des fois c'est le domaine qui a beaucoup besoin de la photographie. Parce que le mannequinat et la photo vont de pair. On peut faire le mannequinat sans photo. Même pour sélectionner des mannequins, on se réfère à des photos. On demande, quand on lance un casting, on demande des photos aux mannequins. Donc, aujourd'hui, il y a des mannequins qui des mannequins seulement pour les photos. Il y a des jeunes filles qui préfèrent se faire des photos pour poster sur les réseaux sociaux. Mais aussi, il y a des agences, des mannequins qui font des défilés de mode. Et là, il ne s'agit pas seulement des mannequins qui font des défilés de mode, il y a aussi des mannequins pour les photos seulement. Et pour vous, Thibaut, j'ai regardé Authentic Pictures. J'ai vu la majorité de vos photos. Il y a des mannequins, mais aussi des gens que je pourrais qualifier de normal. Vous aimez plus photographier les mannequins ou toucher d'autres domaines? Moi, j'aimerais toucher n'importe quel domaine. Si tu es mannequinat, si tu es quelqu'un star ou n'importe qui, je veux faire une photo. Et les photos de mariage, vous n'y touchez jamais? Donc, les événements, vous pouvez les couvrir. Oui. OK. Donc, vous dites qu'il y a des contraintes. Mais je me dis également qu'il y a des opportunités que l'on peut saisir en faisant la photographie. Qu'est-ce que tu as déjà gagné en faisant la photographie? Premièrement, j'ai gagné la confiance de connaître avec des stars, des journalistes et les autres comme, je peux dire, comme le directeur général des entreprises, etc. Et il y a des agences avec qui tu as déjà signé des contrats? Non. Donc, on t'appelle quand il y a un événement. Des événements ponctuels, c'est là où tu peux travailler. Oui, oui. Ah, ok. Et pour vous, Thierry, vous avez parlé des contraintes. Oui. Il y a également des opportunités. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr, ça va. Et vous savez, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés ici et là. Mm-hmm. Et on est vraiment sollicité. Quand on est photographe, surtout, mm-hmm. le premier critère est de voir tes photos sur les réseaux sociaux. Quand on voit tes photos circuler, mm-hmm. en fait, il y a aussi une contrainte que nous n'avons pas exprimée. Il y a surtout le manque de moyens. Mm-hmm. Surtout, on prend des photos pour la promotion. Il y a parmi les photos que vous verrez, beaucoup, il y a des photos de promotion pour se faire connaître. Mm-hmm. Quand on se fait connaître, on a cette chance d'être connu. Mm-hmm. Parce qu'on est connu à travers les œuvres. Mm-hmm. Et l'opportunité alors que nous avons est d'être connu, d'être sollicité dans les événements qui sont organisés ici et là. Pour photographier, surtout, on peut signer des contrats. Mm-hmm. Pour les événements, mais je pense qu'il n'y a pas des agences qui sont encore à mesure de signer des contrats avec les photographes parce mm-hmm. qu'ils sont sollicités ici et là, ils ne peuvent pas garantir le contrat d'un photographe pour qu'il n'aille pas travailler avec les autres. Mm-hmm. Donc on est indépendant, on travaille ici et là, on signe des contrats pour un travail bien précis. Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour les projets d'avenir, où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? Moi, d'ici 5 ans, je vois que je serai dans un. C'est notre étape. Mm-hmm. Parce que si je regarde l'allure de la photographie ici au Burundi, je vois que ça s'améliore. Mm-hmm. Tant plus qu'il y a beaucoup d'agences de mannequinat qui naissent, mm-hmm. comme je te l'ai dit. Mm-hmm. Les photographes travaillent beaucoup avec les agences de mannequinat, mm-hmm. mais aussi les magazines. Ici au mm-hmm. Burundi, il n'y en a pas encore beaucoup. Mm-hmm. Il y a la naissance des magazines qui sont en train de naître. Mm-hmm. Et les magazines, plus les agences de mode. Mm-hmm. Donc, nous aurons beaucoup de chance à travailler mm-hmm. là-dessus. Donc, tu penses continuer à travailler pour une autre personne ou ouvrir une agence, ta propre agence? Agence de mannequinat, bien. Agence de photographie qui va signer des contrats avec d'autres oui, agences. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on vise. Mm-hmm. Oui, oui. Vous avez déjà commencé? Pour moi, je dirais que j'ai déjà une agence qui est intitulée Bouja Multi-Event, mais mm-hmm. c'est une agence qui ne se charge pas seulement de la photographie, mm-hmm. et fait aussi l'organisation et la planification des événements, surtout mm-hmm. avec les modèles, mm-hmm. les agences de mode. Nous organisons ensemble des événements. Mm-hmm. Et moi, je couvre la photographie et ils font d'autres choses comme mm-hmm. le mannequinat. Okay. Comme ça. Mm-hmm. Quand on définit la photographie comme étant une passion, c'est plus facile ou travailler en ayant eu une formation. Qu'est-ce qui est plus facile? Moi, je pense que nous avons déjà une passion mm-hmm. et ça reste à se former ou avoir une formation pour mm-hmm. bien améliorer le travail. Mm-hmm. Puisqu'on a déjà une passion, tant plus que nous travaillons malgré plusieurs contraintes, je pense qu'avec une formation, nous serons meilleurs, même traverser les frontières, pourquoi pas. Mm-hmm. En continuant par rapport à la passion, qu'est-ce que vous pourrez dire aux autres personnes qui veulent entrer dans le domaine de la photographie? C'est un domaine qui est facile à pénétrer, c'est trop difficile pour vous? Moi, je dirais que c'est un domaine qui n'est pas difficile, mm-hmm. un domaine qui est facile, mm-hmm. d'autant plus que c'est un domaine où on peut se former soi-même, mm-hmm. ou bien on peut améliorer son travail à l'aide des œuvres des autres, ou bien consulter l'internet avec des tutoriels mm-hmm. et on peut se former. Mm-hmm. C'est aussi un domaine intéressant qui aide la personne qui se lance dans le domaine de se faire connaître dans les milieux, surtout professionnels ou bien dans les milieux artistiques, mm-hmm. puisque un photographe est quelqu'un qui est connu facilement mm-hmm. grâce à ses œuvres. Presque quand on photographie une photo, par exemple, quand on photographie une star et que la photo se quitte, mm-hmm. on peut mettre ça logo mm-hmm. et on dit c'est elle qui a pris la photo. Il n'y a pas des clients qui vous exigent à ne pas mettre de logo? Oui, bien sûr, ça dépend des contrats, bien mm-hmm. sûr. Donc ça doit être mentionné dans le contrat? Oui, oui. Sinon, si ce n'est pas mentionné, vous pouvez le mettre directement. Oui, oui. Si, comme je l'avais signalé, s'il s'agit d'un photoshoot promotionnel, mm-hmm. quand on fait la promotion, là, on doit mettre son logo. Ou bien quand on donne un sponsor, on peut demander en contrepartie de mettre sa signature. Mm-hmm. Oui. Et donc, vous ne faites pas de divulgation des photos quand c'est un contrat? Non, quand c'est un contrat, c'est le demande, c'est le commanditaire, qui, qui doit poster ses photos. Mm-hmm. Nous, on travaille, puis on lui remet les photos. Mm-hmm. Et c'est lui-même qui poste les photos. OK. Et vous, Thibault, qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui veut s'attaquer, qui veut adhérer dans ce domaine de photographie? Moi, je peux dire que le domaine de photographie, c'est un domaine qui est très, très facile. Mm-hmm. Mais ça vous demande de beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Beaucoup de sacrifices. Oui. Par exemple, vous pouvez être pris toute la semaine, oui. Même les week-ends. Même les week-ends. Mm-hmm. Et oui. Comment vous pouvez manager votre temps? Ça dépend avec mes programmes. Mm-hmm. Oui, oui. Mm-hmm. Et si, par exemple, dans les week-ends, si j'ai deux ou trois shows ou bien des événements, mm-hmm. ou bien avec un photoshoot, avec un événement, mm-hmm. je veux partager mes temps mm-hmm. avec un autre. Cela n'handicape pas votre vie estudiantine? Non. Mm-hmm. Non, non. Et s'il y a un contrat, si vous signez un contrat qui doit se faire le matin, vous faites comment? Vous laissez tomber le contrat ou vous reportez le contrat? Non, je travaille avec un autre qui ne te dit pas. Ah, ok. Donc, oui. Vous êtes à deux dans votre agence. Oui, oui. Ok. Cela rend le travail plus facile. Oui, oui. Par rapport aux défis, il y a des clients ou clientes qui sont vraiment exigeants. Comment vous faites pour mieux continuer votre travail, Thierry? Bon, vraiment, je dirais qu'il y a, des accrochages à propos de... Quand on a, par exemple, couvert un événement et qu'il s'agit de délivrer les photos. Uh-huh. Puisque ça prend vraiment le temps, lors de l'événement ou bien lors d'un photoshoot, mm-hmm. ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais quand on se met alors sur l'ordi pour faire l'editing, parce que mm-hmm. dans nos jours, beaucoup préfèrent avoir des photos sur un support électronique, mm-hmm. mais pas imprimées. Alors on doit retoucher les photos, corriger les photos. Mm-hmm. Et là, vraiment, il y a souvent des difficultés avec les clients. Mm-hmm. Surtout, un client peut dire « Non, tu m'as retouché la photo, tu dois reprendre la photo. Mm-hmm. » Mais je me dis qu'avant de faire le shooting, vous devez avoir une discussion avec le commanditaire. Oui, oui. Mm-hmm. Et au moment du traitement des photos, vous le faites avec lui ou vous lui donnez le produit fini? En fait, parce que c'est le numérique, on photographie plusieurs prises mm-hmm. et on sélectionne les prises bien prises et les prises qui sont réussies mm-hmm. et on les traite puis on les envoie au client mm-hmm. et puis souvent le client peut imposer par exemple deux ou trois posters mm-hmm. pour une prise alors que par trois prises il y a une prise qui est bien qui a réussi mm-hmm. et ça alors les malentendus qui souvent est se remarque. Mmh. Oui. Ok. Et vous, Thibault, il y a des fois où vous avez des accrochages avec les modèles, avec les clients. Et il y a quelques fois les clients que vous avez qui vous demandent mmh. leurs photos. Oui. Et avec, je peux dire avec beaucoup, je peux dire. Avec beaucoup de traitements, de modifications. De modifications, de traitements, mmh. ou bien leurs couleurs. Qu'elle aimait ou bien mm-hmm. les collègues mm-hmm. qui préfèrent. Mm-hmm. Donc, vous devez reprendre encore le travail que vous avez déjà achevé. Oui. Mm-hmm. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Forum Jeunes, qui est là pour donner l'occasion aux jeunes de débattre sur tous les sujets qui les intéressent. Forum Jeunes, c'était sur la radio Isanganiro et vous pourrez l'écouter tous les lundis. À la présentation, c'était avec Ali Dandaikeza. À la réalisation, c'était avec Pacific Troubahiro et François Akimana assuré la mise en onde. Merci à Thibault Inore pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à Thierry Ndikuriyo pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et à la prochaine.